France Musique. Wouh ! France Musique est à Musicora, une journée en direct de la Grande Halle de la Villette à Paris. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. En direct au salon Musicora, je ne suis pas tout seul. Il y a du public ici, même si le salon s'éveille. Alors après notre concert privé avec la troupe de Kiss Me Cake, c'était la comédie musicale du Théâtre du Châtelet, actuellement à l'affiche, c'était la semaine dernière, et bien la 42e rue, la rue des comédies musicales de France Musique, vous propose ce matin un nouveau cabaret. Nous entendrons ce matin du Leonard Bernstein en direct, du Irving Berlin, du Richard Rogers. Et nous commençons par un compositeur contemporain toujours très actif. Il s'appelle Maury Easton. On lui doit plusieurs comédies musicales à succès et formidables, dont Nine, qui est inspiré du film 8 et demi de Federico Fellini. On lui doit Titanic en comédie musicale. Ce sont toujours des spectacles subtils. Jeudi, la chanteuse Isabelle Georges et Frédéric Steinbrück proposeront à Paris, à la Comédie Nation, un concert autour des œuvres de Maury Easton. Et ce matin, il nous en propose quelques extraits. Voici Isabelle Georges, Frédéric Steinbrück, accompagné au piano par Yann Olivo, et deux extraits des comédies musicales Nine et Titanic. No moon, no wind, nothing to spy things by. No wave, no swell, no line where sea meets sky. Stillness, darkness, can't see a thing, says I. No reflection, not a shadow, not a glint of light meets the eye. And we go sailing, sailing, ever westward on the sea. We go sailing, sailing, ever on go we. Light meets the eye. Don't have a clue. You can't tell what is. it's like to be me looking at you. It scares me so that I can hardly speak. In a very unusual way, I owe what I am to you. Though at times it appears I won't stay, I never go. Special to me in my life, since the first day that I met you. How can I ever forget you? Once you had touched my soul. En direct du salon Musicora, Frédéric Steenbrick et Isabelle Georges dans deux chansons du compositeur Maury Easton. La première s'intitule No Moon, c'est une chanson absolument fascinante parce que c'est une chanson à la fin du premier acte où en gros le capitaine est sur le pont et ne voit absolument aucun problème dans Titanic sur son bateau. C'est en fait la chanson où, voilà, avant le désastre. Et puis, juste après, on a entendu Unusual Way. Et maintenant, Isabelle Georges, une autre chanson de Maury Easton, un peu particulière, vous nous raconterez après. C'est une chanson que Maury Easton a composée pour vous. Ça oui. S'intitule Strange. Strange, how we met was very strange. I could not expect a change could happen in my life. But surprise, I looked into your eyes, and from then I knew I would always love you. Who could have thought it could be you? I'd give all of myself to. The timing all was wrong, yet somehow it doesn't matter now. You can break my heart, I will always love you. In the way I know we never truly kiss, yet you see that precious part of me you'll forever own. I will always, I will always, I will always love. I will always Strange, Isabelle Georges, en direct au salon Musicora. Oui, je crois que vous pouvez laisser le micro à sa place, que j'en ai un pour vous. Merci d'être si tôt avec nous sur France Musique. Isabelle Georges, vous avez une vie incroyable. Il y a une semaine, je crois que vous étiez à l'auditorium, non, au 104 à Radio France pour un magnifique récital intitulé Vienne Hollywood autour de Korngold. En janvier, vous étiez dans le sud-ouest, je pense, avec un concert Broadway. L'année dernière, l'été dernier, vous avez créé une nouvelle comédie musicale autour de la pièce de Steven Zweig, 24 heures dans la vie d'une femme. Là, ce concert de Maury Easton, expliquez-nous un peu comment c'est possible que ce compositeur ait composé pour vous, sur mesure, une chanson. C'est une histoire de rencontre extraordinaire. J'ai écouté la musique de Maury pour la première fois entendue à New York. Je me suis dit, il faut absolument que je le rencontre. Jean-Louis Grinda m'a proposé de jouer dans Titanic, the musical, à l'Opéra Royal de Wallonie, ce que j'ai accepté avec joie. Et le soir de la couturière, Maury Easton a demandé à me rencontrer. Donc j'étais un petit peu émue de rencontrer un peu mon idole musicale. Et puis voilà, on a sympathisé. Avec Frédéric, nous sommes allés à New York au moment où il montait Nine avec Antonio Banderas dans le rôle principal. Et à cette occasion, en fait, il m'a offert le cycle des December Songs, qui a été créé pour le centenaire du Carnegie Hall. Donc il m'a donné les droits et il m'a dit, c'est pour toi, il faut que tu le fasses. Et voilà. Et donc je l'ai monté au Théâtre du Renard. Et puis il est venu voir, ce qui était assez étonnant parce que Maury est habitué aux salles de 2500, 3000 places. Et là, il était dans une salle de 100 places. Et il était ravi, tellement ravi qu'il nous a emmenés à New York pour faire le disque des December Songs. Et il a composé cette chanson à cette occasion-là. Voilà. Alors les December Songs, c'est un peu ce qu'il a voulu composer en hommage un peu à Schubert et au voyage en hiver. Qu'est-ce que c'est ce cycle de chansons ? Alors Maury Easton, c'est un des compositeurs de comédie musicale américains les plus européens. Tous ses sujets d'inspiration viennent de l'Europe, de la France, parce qu'il a fait Fantôme, de l'Italie. Le Fantôme de l'opéra en comédie musicale, l'autre, hein, pas celui d'André Lloyd Webber. Oui, l'autre. Puis Titanic, l'Europe le passionne et il a aussi une passion pour le Winterreise, le voyage d'hiver de Schubert, et il s'est imaginé lui faire un mini hommage mais actuel, et au lieu que ce soit un homme, c'est une femme. Tant mieux pour moi. Et donc il a composé 10 chansons, un cycle de 10 chansons sur la perte. On perd quelqu'un qu'on aime et comment on s'en remet. Et les 10 chansons sont comme les couleurs d'un arc-en-ciel par lesquelles on passe jusqu'au moment où on décide de vivre et de continuer à avancer. Alors la chanson que vous allez nous interpréter, qui s'appelle When Your Love Is New, elle apparaît à quel moment dans ce cycle ? Elle apparaît un peu au milieu, en fait, au moment où on est encore en train de se dire, on est encore dans le souvenir, on a encore plein de souvenirs joyeux et on se dit, mais comment est-ce possible, comment est-ce que ça a pu foirer? Et puis au moment où ça va basculer, c'est un poil avant la déprime, voilà. Alors je vous laisse aller au micro, je demande juste à Frédéric Steenbrick, qu'est-ce qu'il y aura jeudi à la Comédie Nation à 19h30, quel est le programme de ce concert? Alors il y aura le voyage le voyage d'hiver, December Songs. Il y aura un extrait de Titanic, No Moon, Unusual Way, de Nine. Il y a une chanson magnifique de In the Beginning qui est très peu connue, qui ressemble beaucoup à une chanson de cabaret. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Grand Hôtel. Il y a Love Can't Happen de Grand Hôtel qui est une chanson magnifique. Voilà. Une comédie musicale inspirée du fameux film Grand Hôtel. Voilà. Merci, on viendra vous voir. Et tout de suite, donc, cette chanson du cycle December Songs, ça s'intitule When Your Love Is New, Isabelle Georges, en direct au salon Musicora sur France Musique. How I remember the moment we met when our love was new. Simple affection is all that you need when your love is new. And mystery starts. Life is a potpourri basket of hearts on the day your love comes alive. Light every candle and bask in the glow when your love is new. Go on a walk where there's nowhere to go every day. Fountains of music will run through your head as you lie daydreaming warm in your bed with your love. In your face. that dwell in your soul. Trust that you're each of you half of one whole on the day your love comes alive. Believe in your senses, discount all your fears. Believe when it seems you've been lovers for years all along. Die, and you believe there is never goodbye, and in your happiness both of you cry. Oh, you cry. Oh, how I wish I could relive the day when our love was new. Thinking, believing, and feeling that way when our love was new. I could believe I'm not going to die. I could believe there is never goodbye, and I could tell my merci Isabelle Georges et merci à Frédéric Steenbrick, accompagné au piano par Yann Olivaux. Vous serez jeudi prochain à la Comédie Nation, c'est à Paris, c'est dans le cadre d'une soirée mensuelle autour de Broadway créée par Lisandro Nessis qui se déroule chaque mois. Ça s'intitule Broadway au carré. Et puis à noter aussi que la 42e rue recevra le compositeur Maury Easton. Ça sera en avril sur France Musique. France Musique est à Musicora, une journée en direct de la Grande Halle de la Villette à Paris. Ces concerts en direct de Musicora ce matin sur la 42e rue de France Musique. Et maintenant, voici, pour une fois, on ne va pas nous traiter de parisianiste, un spectacle qu'on ne peut ne pas voir à Paris. Il tourne, il a été créé par la Clé des Chants, c'est une formidable association régionale de décentralisation lyrique qui est basée à Lille. On peut dire que son directeur, Patrick Bève, aime décloisonner l'art lyrique. L'association peut aussi bien monter des opéras de Donizetti ou de Benjamin Britten, qu'il fait tourner dans la région, ou que des comédies musicales, comme très récemment le très réussi Sweeney Todd. Et bien cette fois, la Clé des Chants a demandé à Sébastien Fèvre et à Lisa Landry de créer un spectacle en hommage à Broadway à partir de chansons du répertoire de Broadway. Le titre, c'est « Bon baiser de Broadway ». Je vous demande d'accueillir les deux héros de cette histoire à deux personnages. Ils viennent d'arriver à New York, ce sont deux Frenchies, et évidemment, ils rêvent de devenir des artistes. Des artistes à Broadway. Sylvain Matisse, Dalia Constantin, en direct sur France Musique. Bonjour. Bonjour. Tu sais, Lily, c'est pas la sécurité de l'emploi qui fait le bonheur. Par exemple, les caissières, les bouchers, les boulangers, ils sont pas forcément heureux. The butcher, the baker, the grocer, the clerk are secretly unhappy men because the butcher, the baker, the grocer, the clerk get paid for what they do but no applause. They gladly bid their dreary jobs goodbye for anything theatrical and wild. There's no business like show, business like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show, people they smile when they are low. Even with a turkey that you know will fold, you may be stranded out in the cold. Still you wouldn't change it for a sack of gold. Let's go on with our show. On envoie un mot comme un du stage de show. Évidemment, chose promise, chose due, on avait dit qu'on ferait dès notre arrivée. D'accord. Bon baiser de Broadway. Lily et Max. Photo? There's no business like show, business like no business I know. All made up and soon you'll be appearing. Every bit of nervousness is gone. Then the sound that's music to your hearing, to hear them cheering when you come on. There's no business like show business. If you tell me it's so. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with our show. Let's go on with our show. Sylvain Matisse, Dalia Constantin, Daniel Gley, directeur musical au piano. J'allais dire bienvenue à Paris, Sébastien Fèvre et Alissa Landry. Ben, merci beaucoup. C'est la première fois que vous jouez ce spectacle à Paris. Comment ça se fait que vous ne trouvez pas de salle pour ce genre de spectacle ? Alors ça, c'est plus compliqué. J'aimerais bien qu'on vienne jouer Bombay de Bordeaux à Paris. C'est notre rêve. On y travaille, en tout cas, pour que ça vienne jouer à Paris. Alissa Landry, c'est vous qui avez écrit cette histoire. Racontez-nous de quoi ça parle et quelle était la commande de La Clé des Champs. Alors la commande, c'était tout simplement de prendre les plus grands standards de comédie musicale américaine et de tisser une histoire qui pourrait les relier. Donc moi, mon challenge a été de justifier pourquoi ces chansons étaient en anglais alors que le livret était en français. Donc j'ai trouvé cette idée de deux petits Français qui vont aller à Broadway, faire leur rêve et qui sont obligés de chanter en anglais puisqu'ils doivent passer des auditions, ils doivent monter leur spectacle. Donc voilà, j'ai voulu qu'on puisse passer du livret parlé aux chansons donc en français et aux chansons en anglais de façon très facile et naturelle. Alors, quelle chanson il fallait mettre pour... quelle était la commande aussi de La Clé des Champs en termes de... Est-ce que c'est une sorte d'introduction pour le grand public à la comédie musicale américaine ? C'est ça qu'on vous demandait de faire ? Voilà, il voulait absolument qu'il y ait 80% des chansons que tout le monde pourrait reconnaître tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a Mélodie du Bonheur, il y a des citations, des Misérables, de Cabaret, de... Comment ? Le Magicien d'Oz. Il y a, voilà, tout les chansons qui sont vraiment connues du grand public. Et puis, j'ai voulu rajouter aussi quelques chansons un peu moins connues, mais très drôles, voilà. Comme Speaking French, que j'adore, qui est un peu une Française qui donne un cours de français aux Américains et qui dit, si vous dites « Ouh là là », ben ça y est, vous parlez français. Sébastien Fèvre, c'est votre première mise en scène, mais on vous a vu sur plein de comédies musicales, vous êtes assistant, metteur en scène. Racontez-nous comment vous avez choisi vos artistes, présentez-nous vos artistes d'ailleurs. Alors, donc, nous avons Dalia Constantin et Sylvain Matisse, qui sont des artistes habitués aussi au réseau de la comédie musicale à Paris. Dalia, on a pu la voir dans La Belle et la Bête, Sylvain dans Mamma Mia, Tintin. Voilà, donc on a fait des auditions. Voilà, le cursus habituel, audition. On a rencontré une soixantaine de personnes et après, le binôme est apparu devant nos yeux. Et depuis un an maintenant, Dalia et Sylvain nous accompagnent sur Bombay de Broadway. Alors, moi, j'ai été voir le spectacle au Quénois, donc à côté de Lille. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait le décor très, très simple. C'est des petits cubes, comme si on était dans un univers de gratte-ciel, finalement, avec des lampes néons qui peuvent aussi bien illustrer des bibliothèques que, c'est ça. En que fait, le skyline de Manhattan. Absolument, vous avez tout compris, Laurent. C'est formidable. Non, c'est vrai, le décor, en fait, je le voulais comme l'imaginaire collectif des gens, c'est Times Square, les néons, et donc ça s'est très vite imposé pour ce décor là. Les anecdotes sur les Frenchies à Broadway, vous les avez qui sont assez pas trop caricaturelles, vous les avez trouvées comment, Alissa Landry, Sébastien Fèvre? Il y en a des Français qui veulent, oui. Qui partent à Broadway et qui essayent de... Eh bien, j'avoue que malgré le fait que j'ai une origine, que je suis d'origine américaine au départ, au bout de 13 ans ici, je suis moi repartie à New York. Et c'est là-bas où je me suis trouvée presque à la place d'une Française qui découvre... C'était assez étonnant pour moi parce que je me sentais étrangère chez moi, étrangère à New York, alors que je suis américaine. Donc je me suis beaucoup inspirée de cette sensation de différence culturelle qu'ils peuvent ressentir des Français qui partent à New York, justement. Alors, dans cette comédie musicale, il y a aussi des chansons qui ne sont pas en entier, des medleys. Et racontez-nous juste ce qui se passe à ce moment-là, de ce que vont nous interpréter Sylvain et Dalia. Alors là, malheureusement, nos deux jeunes Frenchies manquent de ressources pour continuer leur cours. Il faut dire qu'ils habitent dans une sorte de sous-sol sans fenêtre. Voilà, sans ils habitent dans un sous-sol sans fenêtre et il faudrait qu'ils gagnent un peu de pépettes pour continuer leur aventure. L'argent. Dalia Constantin, Sylvain Matisse, Daniel Gley en direct au Salon Musicora sur France Musique. Mais ça y est, t'as trouvé un boulot alors, c'est génial! Génial! Je viens à New York pour vivre mon rêve sur les planches de Broadway. Et qu'est-ce qui se passe? Je redémarre à zéro en tant que réceptionniste. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour un producteur de comédie musicale. Oui, oui, la boîte s'appelle Bialystock and Bloom. Oh oui, oui, oui, j'en ai entendu parler. Attends, c'est pas eux qui avaient produit ce spectacle Springtime pour je sais plus qui. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, ça va me permettre de payer le loyer et de boire du café, c'est déjà ça. Oh, même si je préférerais du caviar ou du champagne. Oh là là, ma pauvre Lily, du caviar et du champagne, non mais c'est d'une banalité. Moi, je peux t'assurer que trouver 10 000 façons de préparer les pâtes, bah, c'est beaucoup plus enrichissant que ce que peuvent vivre les millionnaires. Ah oui, t'as raison, quelle horreur! Être obligé d'habiter un appartement de luxe, de porter des diamants, d'avoir un yacht. Être obligé d'avoir les meilleures places au théâtre. Des jets privés. Des piscines en marbre. Oh non, non, non, non, je t'assure. Laissons toutes ces bagatelles aux riches, les pauvres. Ils n'ont que ça à faire, bouffer du homard toute la journée. Who wants to be a millionaire? I don't. Have flashy flunkies everywhere? I don't. Who wants the bother of a country estate? A country estate is something I hate. Who wants to wallow in champagne? I don't. Who wants a supersonic play? I don't. Who wants a marble swimming pool too? I don't. And I don't, cause all I want is you. Who wants to be a millionaire? I don't. And have uranium to spare? I don't. Who wants to journey on a gigantic yacht? Do I want a yacht? Oh, how I do not. Who wants a fancy foreign car? I don't. Who wants to tire of caviar? Who wants a private landing field too? I don't. And I don't, cause all I want is you. Mais sérieusement, tu ferais quoi toi si t'étais riche? Ah, si j'étais riche? Yeah, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, yeah. All day long I'd beady, beady bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Yeah, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, buddy, yeah. If I were a bitty, bitty rich, eat a diddle, diddle, diddle, man. Non, non, sérieusement, Lily, oh, si j'étais riche, je crois que je passerais mes journées au Ritz Hotel à regarder le monde entier passer sur Park Avenue. Have you seen the world to do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with the noses in the air? I hats and our out colors, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put it on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cut away coat, perfect fits. Put it on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like a Gary Cooper. Super duper, come let's mix the Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in the midst. Put it on the Ritz. Mais toi, Lily, si t'étais riche. Oh, moi, c'est simple. Moi, je voudrais tout ce qui brille. A kiss on the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's! Material world, and I am a material girl. Money, money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound is all that makes the world go around. Clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and in need a companion, you can ring for the maid. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take in on a cheap cut a cap and begin to recover on your 14 karat yacht. Money makes the world go around, go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. On being poor, money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money, always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money, it's a rich man's world. It's a rich man's world. Sylvain Matisse, Dalia Constantin et des chansons que vous avez certainement reconnues. Il y avait notamment Who Wants to be a Millionaire, extrait de la comédie musicale High Society de Cole Porter. If I Were a Rich Man dans Un violon sur le toit de Jerry Buck, Put It on the Ritz de Irving Berlin, Diamonds Are Girls' Best Friend, extrait Des hommes préfèrent les blondes de Julie Stein, Material Girl de Madonna, Money dans Cabaret, puis Money, Money, Money de ABBA dans la comédie musicale Mamma Mia. Alors, autre chanson très connue dans ce spectacle, Bon Baiser de Broadway, qui est actuellement en tournée dans le Pas-de-Calais. Un extrait, je pense que vous reconnaîtrez cette chanson derrière le poste très facilement. Cet extrait de La Mélodie du Bonheur, c'est une chanson qui a été popularisée par Julie Andrews. Elle est interprétée en solo, cette fois, par Dalia Constantin, qui interprète cette jeune Frenchie qui débarque pleine d'envie de Broadway. Bon, au pire, j'échoue, je rentre à Paris et je reprends le travail. Oui, c'est ça. Oh, la honte. Mais pour l'instant, ma fille, tu vis ton rêve. Alors tu vas te ressaisir, oui. Un jour, je vais me retrouver sur une grande scène à Broadway. Merde. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est que le début d'un long chemin. What will this day be like? I wonder, what will my future be? I wonder, it could be so exciting to be out in the world, to be free, my heart to be wildly rejoicing. Oh, what's the matter with me? I've always longed for adventure, to do the things I've never dared. Now here I'm facing adventure. Then why am I so scared? D'accord, il faut auditionner. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Oh, I must stop these doubts, all these worries. If I don't, I just know I'll turn back. I must dream of the things I am seeking. I am seeking the courage I lack. The courage to serve them with reliance. Face my mistakes without defiance. Show them I'm worthy. And while I show them, I'll show me. So let them bring on all their problems. I'll do better than my best. I have confidence they'll put me to the test, but I'll make them see I have confidence in me. Somehow I will impress them. I will be firm but kind. Et ceux qui m'auditionnent, je les impressionne. They will look up to me. I have confidence in sunshine. I have confidence in rain. I have confidence in confidence alone. Oh, help. I have confidence in confidence alone. Besides which, you see, I have confidence in me. I Have Confidence in Me, extrait de La Mélodie du Bonheur, la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Et c'est un extrait dont cette comédie musicale qu'on vous conseille d'aller voir dans le Pas-de-Calais. Ça s'intitule Bon baiser de Broadway, écrit par Alyssa Landry. Avec même, il n'y a pas que des tubes de Broadway, il y a aussi une chanson originale qui, je crois, résume parfaitement l'esprit de cette comédie musicale. Absolument. Elle s'appelle... Merci Dahlia. Ça va On est en direct au Salon Musicora. Je dois dire qu'on n'est pas seul et qu'il y a beaucoup de musique autour de nous. Ça va? Ça vous gêne pas pour chanter? Non, c'est super. Très bien. Alors, on va entendre maintenant, bien, je parle aussi au pianiste Daniel Gley, qui fait un très bon travail. Bravo. Vous n'avez pas de micro, mais on peut vous applaudir également. Surtout que, comme tout le monde, ou presque ici, vous venez du Mans. Hier soir, vous étiez en présentation avec un spectacle qui s'appelle Argent, Dette et Musical, qui sera d'ailleurs au Festival d'Avignon. Et Yann Olivo lui-même est arrivé ce matin, le précédent pianiste. Et la troupe qui va chanter juste après vous également vient d'Allemagne. Vous voyez, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour venir chanter devant les micros de France Musique? Voici donc une chanson créée spécialement pour le spectacle par Thierry Boulanger et Alyssa Landry. Ça s'intitule « Bon baiser de Broadway ». Sylvain Matisse, Dahlia Constantin. Depuis tant d'années, on voulait voir New York. On rêvait de 42nd Street. Découvrir Times Square avec ses lumières. Ses klaxons qui klaxonnent. Ses piétons qui piétonnent. Ses néons qui néonnent. Tu sais que t'es mignonne. Pour qu'enfin ce rêve devienne réalité. Il ne manquait que la fameuse carte verte. Et puis on a appris que grâce à la loterie, les portes de cette vie rêvée nous étaient grandes ouvertes. Et voilà, ça y est, c'est parti. L'aventure commence pour Max et Lily. L'Amérique sera leur nouvelle conquête. Il suffit qu'ils prennent leur clic et leur claquette. Il leur faudra un sacré toupet. Il faudra toujours être au taquet, mais à partir d'aujourd'hui, c'est au revoir Paris. Ils vous envoient leur bon baiser de Broadway. Manhattan, c'est tout ce qu'on avait espéré, et Broadway nous remplit de bonheur. Son énergie frénétique fait battre nos cœurs. Les néons, les klaxons nous donnent des frissons. Mais c'est tout autre chose quand il s'agit des auditions. Et voilà, ça y est, c'est parti. Les ennuis commencent pour Max et Lily. L'Amérique, faudra lui tenir tête. Car c'est pas demain qu'ils deviendront vedettes. La route est longue qui mène au succès. Car la vie n'est pas un cabaret, mais ce n'est qu'une question de temps. Alors en attendant, ils vous envoient leur bon baiser de Broadway. On y va, malgré tout. Mais voilà, faut trimer comme des fous. But of course, on tient le coup. Si on sort tous nos atouts, on va séduire Times Square, tout le monde everywhere parlera des deux Français qui ont conquis Broadway. Et voilà, ça y est, c'est parti. Tous les deux s'en vont vers une nouvelle vie. L'Amérique est leur plus belle conquête. Depuis que Lily a montré ses gambettes, la grande pomme n'a plus de secret. Car ils sont devenus désormais de vrais New Yorkais. Et oui, Max et Lily ont gagné leur pari. Et ils vous envoient toujours par milliers le bon baiser de Broadway. Merci beaucoup Sylvain Matisse, Dahlia Constantin, Daniel Gley. Bon baiser de Broadway, on vous le recommande. Ça sera le 13 mai dans le Pas-de-Calais à Liévin, le 27 mai à Condette et le 11 et le 12 juin à Saint-Omer. Et on croise les doigts, peut-être un jour à Paris. En tout cas, si on veut vous voir à Paris, c'est pas compliqué. Il suffit d'attendre juste 2 heures puisque Sylvain Matisse, vous serez à 15h dans Katz et Dahlia Constantin, vous serez à 14h sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin dans une comédie musicale qui s'appelle Réponse. Merci d'être venu ce matin sur France Musique. France Musique est à Musicora, une journée en direct de la Grande Halle de la Villette à Paris. Voilà, vous l'avez compris, on est en direct de la Grande Halle de la Villette au Salon Musicora. Voici le troisième plateau de cette émission. Ils font un travail remarquable et eux aussi n'hésitent pas à décloisonner l'opéra et l'art lyrique. On connaît l'ensemble Opéra Foucault, créé par le chef d'orchestre américain David Stern, un ensemble orchestral avec de brillants musiciens qui jouent sur des instruments d'époque. Et il y a également un atelier lyrique créé en 2008 qui, il y a 8 jours, à l'issue de 4 jours de travail avec le chef d'orchestre David Charles Abel, a créé un concert autour d'une grande comédie musicale de Leonard Bernstein, Candide, une comédie musicale inspirée de l'œuvre de Voltaire. Ce matin, les 4 élèves, si j'ose dire, sont venus en direct sous les micros de France Musique pour nous proposer quelques extraits de ce concert et pour commencer la chanson d'amour forcément ironique entre Candide et Cunégonde. C'est Jennifer Coursier qui interprète ce matin Cunégonde, Martin Candela qui interprète Candide, accompagné au piano par Kayo Tsukamoto. Soon when we feel I can't afford it, we'll build a modest little farm. We'll buy a yacht and live aboard it, rolling in luxury and stylish charm. Cows and chickens, social quarrels, peas and cabbage, drops of little ones beside us. We'll have a sweet Westphalian home. Somehow we grow as rich as Midas. We'll live in Paris when we're not in Rome. Smiling babies, marble halls, Sunday picnics, costume balls. Oh, my robes of silk and satin be chic. I'll have all that I desire. But clothes with tutors in Latin and Greek, while we sit before the fire. Glory rubies, glowing locks, faithful servants, faithful dogs. We run the world enjoying high life, all bubbly pink champagne and gold. We lead a rustic and a shy life, feeding the pigs and sweetly growing old. Breast of peacock, apple pie, I love marriage. So do I. Oh happy pair, oh happy we, it's very rare, oh we agree. Oh happy pair, oh happy we, it's very rare, oh we agree. Oh happy pair, oh happy we, it's very rare, oh we agree. Oh, happy oui, Jennifer Coursier et Martin Candela en direct à Musicora sont vos élèves. David Stern, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Je préfère ne pas dire élèves, mais des jeunes collègues. Opéra Foucault, maintenant, nous sommes vraiment effectivement une compagnie d'opéra. On crée des opéras, on travaille du Monteverdi, on fait du Handel, on fait du Mozart et j'ai décidé que pour vraiment peaufiner, pour donner encore plus d'outils à ces jeunes chanteurs, que la comédie musicale sert à des choses très précises pour ces jeunes voix. Alors ce sont des jeunes voix d'opéra, ce ne sont pas des voix qui chantent normalement musical comedy de Broadway, mais il y a des outils qui sont très importants, l'articulation, la prononciation et le plus important, timing. Parce que drôle, c'est drôle. Et pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Et on ne peut pas trouver ce genre sans avoir une belle connaissance et une maturité pour comprendre quand il faut faire l'accent. Alors, qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes qui, apparemment, ne se destinent pas forcément à la comédie musicale, mais qu'est-ce que ça leur apporte dans ce qu'ils feront plus tard à l'opéra, de savoir chanter du Candide et du Kiss Me Kate, puisque vous avez travaillé sur cette œuvre et vous avez proposé un concert il y a 2 mois. Oui, exactement. Alors, ce que ça leur donne, c'est à écouter d'une autre façon, à trouver le timing qui va les aider à interpréter du Mozart, quand on chante du Da Ponte, par exemple. Et il faut bien soutenir la chute d'une blague. Da Ponte, il le fait comme personne ne l'avait fait à l'opéra, avec Mozart, bien sûr. Et pour comprendre comment rendre service à du texte, Et pour vraiment faire chanter, mais aussi faire rire, il faut avoir le timing. Et ça, ce sont les mêmes outils qu'ils vont apprendre ici. Simplement, c'est en anglais, ce qui est encore plus dur à prononcer. Et c'est une langue qui change complètement la façon de parler, la façon de chanter. Et ça leur donne encore des outils d'articulation. David Stern, vous pouvez nous présenter alors les quatre chanteurs qui font partie de votre atelier, qui sont là ce matin. Je crois même que c'est la première fois qu'ils chantent devant un micro. Hein. C'est effectivement la première fois devant un micro de cette manière-là. Alors, ça, je crois que ça les a bousculés un peu ce matin, mais je crois qu'ils sont déjà rodés. Pendant les répétitions, oui. Et je trouve que c'est bien parce que confrontés à des autres situations, ils connaissent le monde de l'opéra, ils connaissent la situation dans une normale. Ça, c'est anormal, c'est encore mieux pour eux parce qu'ils vont apprendre, ils vont emmener ça avec eux, ils vont porter et les fruits de ce travail-là, ça sera évident dans les années qui viennent pour eux. Comment on fait, donc qui sont-ils et comment on fait pour entrer à l'atelier lyrique d'Opéra Foucault? Alors, je vous présente Léa Desandré, notre mezzo qui va chanter la vieille dame, bien qu'elle n'est pas une vieille dame. C'est la plus jeune de la troupe, je crois. Et c'est la plus jeune de la troupe. Hein. Et ensuite, on a Jennifer Coursier qui est la cunégonde, qui est notre soprane de la journée. Martin Candela Martin et Étienne, les deux sont des ténors. Étienne joue sur un peu de ténor et un peu de baryton aujourd'hui. Martin, c'est notre candide. Étienne nous soutient pas seulement en Maximilien, mais aussi dans le rôle de gouverneur. Et là, ils ont tous leur parcours et ils ont tous terminé leurs études. En fait, Étienne est toujours au CNSM, mais ce que je cherche, c'est de leur aider à faire l'échange entre à la fin de leurs études, le début de leur carrière, comment est-ce qu'ils peuvent se positionner, comment est-ce qu'ils peuvent aussi maturer leur voix, à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec leur voix X et leur voix E. Merci David Stern, on va l'entendre, la plus jeune de la troupe, interpréter donc une vieille dame, c'est le fameux air de Candide, I'm Easily Assimilated, dans Candide, la comédie musicale de Léonard Bernstein, elle est accompagnée par Martin Candela, Jennifer Coursier et Étienne Duhil de Benazé avec au piano Kayo Tsukamoto en direct au salon Musicora sur France Musique. I was not born in sunny Hispania. My father came from Rovno Guvernia. But now I'm here, I'm dancing a tango. I am easily assimilated. I am so easily assimilated. I never learned a human language. My father spoke high middle Polish. In 1.5 hour I'm talking in Spanish. Por favor, Torreador, I am easily assimilated. I am so easily assimilated. It's easy, it's ever so easy. I'm Spanish, I'm suddenly Spanish. And you must be Spanish too, do like the natives do. These days you have to be in the majority. Tus labios rubí, tus rosas que se abren a mí, conquistan mi corazón y solo con una canción. Mis labios rubí, trae fierte el tact, montré chez a mí. Si, si, ya, ya, ya, yes, yes, dada, je ne sais quoi. Me muero, me soy una hernia. A long way from Rovno Guvernia. Mis labios rubí, dos rosas que se abren a ti. Divina canción de mis labios. I'm easily assimilated, extrait de la comédie musicale Candide, interprétée par Léa Desandré. Léa Desandré, et puis je ne sais plus comment dire, étudiants ou les chanteurs de l'atelier. Les membres de l'Opéra Foco. La compagnie d'opéra, l'Opéra Foco. Dirigée par David Stern qui était là, hein, vous les dirigez pour la fin. J'ai bien vu, doit être bien rythmé. On continue, quatre jeunes artistes qui interprètent des extraits de Candide. Ce matin en direct au Salon Musicora, voici maintenant Étienne Duhil de Bénazé et Jennifer L'Oursier, ils interprètent, accompagnés par Kayo Tsukamoto, My Love. My love, soon the fever's fled, follows the transient blessing. Just a week in bed, and we'll be convalescing. Why talk of morals when springtime is flying? Why end in quarrels, reproaches, and sighing, crying for love? Your shocking proposition. How could I regain my virginal condition? I am so pure that before you may bed me, you must assure me that first you will wed me, wed me. You're so pure, I shall betroth you, my love. Though half is sure, I'll come to love you, my love. Still for the thrill, I'm perfectly willing. For if we must will, before we may be, then come, let us will. Jennifer Coursier et Martin Candela et Étienne Duhil de Bénazé, dans cette chanson qui s'intitulait My Love. Et on clôt ce cabaret 42e rue avec une des plus émouvantes chansons des Leonard Bernstein. C'est le final de Candide. C'est la morale, en fait. Il faut savoir cultiver notre jardin. En anglais, make our garden grow. Of life, where neither pure nor wise nor good will do the best we know. We'll build our house and chop our wood and make our garden grow and make our garden. But Merci David Stern et les chanteurs de l'atelier lyrique Opéra Fuoco, Martin Candela, Jennifer Coursier, Léa Desandré, Étienne Duhil de Benazé, accompagné au piano par Kayo Tsukamoto. Merci aussi à Isabelle Georges, Frédéric Stimbrick et Yann Olivaux en concert jeudi à la Comédie Nation autour des chansons de Maury Easton. Et merci à Dalia Constantin et Sylvain Matisse et Daniel Gley pour ce spectacle Bon Baiser de Broadway en tournée dans le Pas-de-Calais en mai et juin sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous retrouverez ces informations, la programmation de l'émission et le podcast. Et puis notez que notre prochain concert live aura lieu le jeudi 10 mars à 19h à la Maison de la Radio. Nous recevrons avant son concert parisien avec l'Orchestre Pas de Loup la chanteuse de Broadway, Liz Calloway. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique. Merci à Pierre Bornard, Stéphane Poitvin, Olivier Leroux, Mathieu Leroy, Martine Moni, Benoît Gégou. Le piano a été prêté par Pianolab et accordé par Michel Laborde. Et 42e rue était réalisée par Perrine Mingui.